Baby girl, you know that I link, I'm doing a lot for my proof for my jingle. Baby girl, you know, so we're doing like a single. On veut tout danser, l'azanto. Tout le monde veut le danser en plein carton. Ça tue dans les clubs, dans les boîtes. Tout le monde veut l'azanto, c'est trop, trop grave avec n'importe quoi. On a l'azanto, trop grave quoi. On met les jambes en avant, en arrière, les bras en l'air. Tout le monde se met à côté pour l'azanto. Tout le monde pour l'azanto, great thing I'm singing now is a great thing.